وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، aujourd'hui inshallah ta'ala nous allons entrer dans le 12e cours, الدرس الثاني عشر في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام العلامة الترمذي رحمه الله. De ce livre, les qualités sublimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont l'auteur est l'imam al-Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous sommes le 7 septembre 2013, qui correspond au premier de Dhul-Qi'dah 1434. Et la semaine dernière, nous avons parlé de ce qui est en relation avec la tenue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons parlé de l'imama, qui est le turban, tout comme nous avons parlé du izar, qui est le pani, ce vêtement, l'étoffe de tissu qui est portée par l'homme et qui couvre la partie basse du corps. Nous avons vu plusieurs hadiths concernant ces deux chapitres, le chapitre du turban et le chapitre du pani. Et nous avons vu que dans les vêtements, la règle de base, c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il bas ma shi'it, bila israf wa la makhila. C'est-à-dire, porte ce que tu veux comme vêtement, sans faire d'excès et sans t'enorgueillir, sans se vanter avec le vêtement que tu portes. Nous avons vu que l'imama n'est pas une sunna. Porter l'imama, porter l'izar, laysa min as-sunna. Nous avons vu que c'est une ada, c'est une coutume. Donc, la yasihu an yaqula qa'il ilbas al-imama li'annaha sunna. Il n'est pas authentique de dire à une personne porte le turban car cela fait partie de la sunna, ou bien porte l'izar, ou bien ces vêtements que le prophète alayhi salam portait parfois. Pourquoi? Nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yalbasu hadhihi thiyab muwafaqatan li'adati qawmi. Il portait ces vêtements pour être en accord avec la tenue vestimentaire du peuple avec lequel il vivait, alayhi salatu wa salam. Donc, quand tu es dans un peuple de musulmans qui n'ont pas l'habitude de porter la imama, eh bien, tu ne dois pas la porter, à moins que tu sois visiteur chez eux, comme on l'a vu la semaine dernière. Mais si tu vis avec eux, et tu es dans leur endroit où ils vivent, alors tu dois être comme eux dans les vêtements, tant que leurs vêtements ne contredisent pas les conditions que la législation a émises concernant les vêtements. Et donc nous avons passé et parlé de ces deux chapitres. Aujourd'hui, al-yawm, الباب هو باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le chapitre d'aujourd'hui concerne la façon de marcher du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Ce qu'on appelle en arabe al-mishya. Et le terme mishya est sur la même forme de lettre que fi'la. Dans la langue arabe, les mots qui sont sur cette forme, comme mishya, comme jilsa, comme qitla, et bien d'autres choses encore, nous désignent la manière de faire la chose. La manière de faire al-mashi. Al-mashi, c'est le fait de marcher. Quand en arabe on dit mashyun, nous parlons ici de marcher. Quand en arabe on dit mishya, nous parlons de la manière de marcher. Quand en arabe on dit djulus, nous parlons de l'assise. Et quand nous disons djilsa, nous parlons de la manière de s'asseoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Allah a écrit, c'est-à-dire il a légiféré et il a ordonné la bienfaisance ou l'excellence dans toute chose. Plus loin il dit fa idha dhabhtum fa ahsinu adh-dhabh ay hay'at adh-dhabh. Lorsque vous égorgez la bête, soyez bon dans la façon de le faire en employant le terme dhibha, qui ressemble ici à mishya. Ce qu'il y a à retenir ici, c'est que le chapitre concerne la façon de marcher du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et plusieurs hadiths et paroles des sahaba radiallahu anhum nous ont décrit les manières de marcher du prophète sallallahu alayhi wasallam. Et le hadith, le chapitre ici, de l'imam Tirmidhi rahimahullah, dans lequel il rapporte un hadith de Abu Huraira, qui a été jugé faible par l'imam Al-Albani rahimahullah. Et au début de l'étude du livre, dans l'introduction, on a dit, rappelez-vous, qu'on allait lire les hadiths qui ont été jugés authentiques par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dans ce livre que j'ai devant moi en arabe, il n'y a que ce hadith. Et dans la traduction en français, ils ont cité deux autres hadiths de Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, qui ont été cités au début de ce livre, dans le premier chapitre, Babu Maja'a fi Khalqi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, le chapitre Ay Sifatuhu, le chapitre concernant la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans celui-ci, nous avons lu le hadith rapporté par Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, dans lequel il nous cite la façon de marcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de mal à ce qu'on le relise du début. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était ni grand et ni petit. قال شثن الكفين والقدمين. Il avait des paumes de main et des pieds larges, alayhi salatu wa sallam. ضخم الرأس, pareil pour sa tête, une tête qui était large. ضخم الكراديس, il avait les extrémités de ses membres qui étaient forts et larges. طويل المسروبة, les poils qui poussaient à partir de sa poitrine et qui descendaient jusqu'au nombril étaient longs. Puis il nous dit: إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. Et ici il nous décrit sa façon de marcher sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam le milieu, le juste milieu dans toutes choses, même dans son physique, dans son comportement, dans sa façon de marcher, dans sa chevelure, dans tout ce qu'il faisait, il était le juste milieu, alayhi salatu wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas une démarche de celui qui est paresseux. Il n'avait pas non plus la démarche de celui qui est trop pressé, alayhi salatu wassalam. Sa démarche était entre les deux, mais en même temps c'était une démarche qui était ferme, alayhi salatu wassalam. Il ne marchait donc pas comme celui qui hésite quand il avance ou quand il fait le pas vers l'avant. Et ici Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, pour nous décrire la force physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la fermeté de son corps, nous dit que quand il marchait, on avait l'impression qu'il dévalait une pente. Sa démarche était dynamique et on avait l'impression qu'il dévalait une pente. Alayhi salatu wa sallam. Voilà comment a été décrite la démarche du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. L'imam Tirmidhi rahimahullah n'a pas cité ce hadith qui a été cité ici dans la description physique. Il ne l'a pas cité dans la description de la démarche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais voilà ce qui a été dit concernant celle-ci. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, quand il marchait, n'était pas hésitant. Il avait une démarche ferme et son corps était ferme sallallahu alayhi wa sallam. Voilà en ce qui concerne le chapitre concernant sa démarche sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le chapitre suivant, Babu ma ja'a fi taqannu'i Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre concernant la manière de porter ce qu'on appelle en arabe al-qina' du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Le mot qina' est un mot qu'on emploie pour désigner un morceau de tissu qui est porté sur la tête, souvent après que l'on ait passé de la pommade sur les cheveux. Al-qina' qit'atun min al-qumash tulbasu 'ala ar-ra's ba'da al-ghalib ba'da dahn al-sha'r aw ba'da an yakuna fi al-sha'r shay'un min az-zayt. C'est un morceau de tissu que l'on porte sur la tête après avoir y passé de la pommade ou de l'huile. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait ce qu'on appelle al-qina' pour protéger ses cheveux, pour ne pas que l'huile ou bien la pommade atteigne les vêtements. Et le hadith que l'imam Tirmidhi rahimahullah a cité ici est un hadith que nous avons déjà lu dans un chapitre passé. Ce hadith a été jugé faible par l'imam al-Albani rahimahullahu ta'ala, dans lequel il est dit que Anas ibn Malik radiyallahu anhu aurait dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. C'est-à-dire, le prophète صلى الله عليه وسلم portait beaucoup et souvent le qina à un point où on pensait que son vêtement ressemblait au vêtement de ce qu'on appelle en arabe zayat. Zayat, c'est celui qui travaille dans l'huile. Et celui qui travaille et qui approche tout le temps l'huile dans son travail, il est clair que son vêtement va être taché. Ici, ce hadith, il a été jugé faible pour plusieurs raisons. Et parmi les raisons pour lesquelles il a été jugé faible, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne portait pas ce genre de vêtements qui étaient tachés comme cela nous est cité ici. Car dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme aux cheveux décoiffés et un autre aux vêtements sales. Quand il a vu l'homme aux vêtements sales, il a dit « Ama yajidu hadha ma'an yuslihu bihi thawbah ?» Celui-ci ne trouve-t-il pas un peu d'eau pour nettoyer son vêtement? Et quand il a vu la personne décoiffée, il a dit « Ama yajidu hadha ma'an yuslihu bihi sha'rah ?» Celui-là ne trouve-t-il pas de l'eau afin d'arranger ses cheveux et sa chevelure? Donc les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons de ne pas se laisser aller dans la tenue vestimentaire et dans la propreté physique et du corps. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à un homme qu'il a vu porter des vêtements qui étaient tachés, de nettoyer ce vêtement, comment lui-même après va-t-il porter un vêtement qui est sur lequel il y a des taches d'huile, à un point il ressemblerait aux vêtements que porte celui qui travaille dans l'huile. Mais le Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad hafidhahullah, dans l'explication de ce chapitre, a dit il y a un hadith qui pourrait être cité dans ce chapitre. Celui-ci est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah dans l'histoire de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a quitté Mecca pour rejoindre Al-Madina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait à la Mecque et attendait l'ordre d'Allah et la permission d'Allah azza wa jal de quitter la Mecque pour partir à Médine. Abu Bakr radiyallahu an était avec lui et attendait l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand un jour, avant la prière de Dhuhr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé chez Abu Bakr, un homme qui était présent a dit هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا رأسه. Voici le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم qui arrive et qui a les cheveux vêtus d'un qina'. Le terme employé ici signifie ce qu'on vient de dire. Et quand il est arrivé, les gens on regardait le prophète alayhi salatu wassalam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné l'autorisation de quitter la Mecque et d'émigrer vers Médine. Abu Bakr radiyallahu anhu il avait l'envie de l'accompagner dans cette émigration. Et il lui a dit, As-suhbata ya Rasulallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Na'am, je veux t'accompagner au messager d'Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a accepté cette demande. Mais ce qu'on retire ici, qui est en rapport avec le chapitre que l'on étudie, c'est que quand il est arrivé alayhi salatu wassalam, il portait sur sa tête ce qu'on appelle al-qina'. Donc, on sait que le prophète alayhi salatu wassalam portait cela sur ses cheveux, sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre suivant, Babu ma ja'a fi jilsati rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre concernant la manière de s'asseoir du prophète Muhammad, alayhi salatu wa sallam. Et vous remarquez que jilsa ressemble à mishya, le mot qui a été cité avant. Al-jilsa, yani hayat al-julus, sifat al-julus, la manière de s'asseoir. Et la sunna nous a retenu les différentes manières de s'asseoir du prophète Muhammad, alayhi salatu wa sallam. Dans le premier hadith, qui a d'ailleurs une histoire que nous allons citer, inshallah, une des femmes des compagnons qui s'appelle Qayla bint Makhrama, va nous décrire une façon de s'asseoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle a elle-même vu. An Qaylata bint Makhrama qalat li'annaha ra'at Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fi al-masjid wa huwa qa'idun al-qurfusa. Qalat falamma ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam al-mutakhashi'a fi al-jilsa fa'ur'idtu min al-faraq. Cette femme, un jour, a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée. Et elle a vu sa manière de s'asseoir, qui a été appelée en arabe al-qurfusa. Al-qurfusa, c'est un mot qui n'est pas commun et que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre, mais par lequel on désigne la façon de s'asseoir en arabe. Al-qurfusa, c'est une assise qui est connue. Al-Qurfusa, c'est l'assise que le frère Bilal a exactement. Bilal, c'est le frère qui est à votre gauche. Ça consiste à s'asseoir sur son derrière, puis plier les genoux, de sorte à ce que les cuisses se rapprochent du ventre, et enfin, entourer ses deux jambes avec les mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis comme cela. Ce qu'on appelle en arabe al-qurfusa. Al-qurfusa vient du verbe taqarfas. Taqarfas ma'nahu tajamma'. Al-qurfusa, li'annahu alayhi salatu wa sallam, idha jalasa ala hadhihi al-hay'a, yajlisu ala maqa'datihi, thumma yulsiqu alayhi salatu wa sallam, fakhidayh bibatnihi, thumma يمسك ساقيه بيديه عليه الصلاة والسلام فينضم جسمه بعضه إلى بعض ويجتمع. Donc cela vient du verbe taqarfas qui veut dire ramasser ou réunir. Pourquoi on appelle cela comme ça? Car la personne qui est assise de cette façon a réuni son corps, elle a resserré les membres de son corps les uns contre les autres. Et c'est une manière de s'asseoir qui est modeste et qui montre la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis de la sorte a une histoire. Comment a-t-elle vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'histoire a été citée par les savants du hadith. Et ici, cette femme qui est Qayla, radiyallahu anha, voulait tellement voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle a mis des vêtements de sorte à ce que on ne reconnaisse pas que c'est une femme. Et elle est entrée dans la mosquée du prophète alayhi salatu wa sallam pour rejoindre les rangs des fidèles qui s'alignaient afin d'accomplir la prière. فَهَذِهِ الْمَرْأَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدِ وَكَانَتْ تَلْبِسُ نَوْعًا مِنَ الثِّيَابِ لا يدرك بأنها مرأة فدخلت في الصفوف مع الرجال. Elle est entrée dans les rangs avec les hommes. Et l'homme avec lequel, ou contre les pieds duquel elle a collé ses pieds, a eu un doute. فالرجل الذي كان بجانبها وقع في شك. Il a eu un doute. Alors il a dit, أمرأةٌ أنتِ أم رجل؟ Est-ce que tu es une femme ou bien un homme? Elle a été obligée de répondre la vérité. قالت بل أنا مرأة. Elle a dit non, je suis une femme. Alors cet homme lui a dit كِتِّي لَقَدْ كِتِّي أَنْ تَفْتِنِينِ. Tu as failli me tenter. Tu as failli me tenter. والعلماء يأخذون هذا الحديث من أدلة تحريم الاختلاط. Et les savants prennent ce hadith comme preuve concernant l'interdiction de la mixité. L'homme a dit, tu as failli me tenter. ثم أمرها أن تخرج من صفوف الرجال وتلحق بصفوف النساء التي كانت وراء الرجال. Puis il lui a dit de quitter les rangs des hommes pour rejoindre à l'arrière les rangs des femmes. Comme le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, خير صفوف الرجال أولها وشرها أواخرها. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, les meilleurs rangs des hommes sont les rangs de l'avant. Et les rangs les plus mauvais pour les hommes sont ceux de l'arrière. Et plus loin, il dit, wa khayru sufufi an-nisa akhiruha wa sharruha awwaluha. Et les meilleurs rangs pour les femmes sont les rangs de l'arrière. Et les rangs les plus mauvais pour les femmes sont les rangs de l'avant. Donc, ce compagnon lui a dit de rejoindre les femmes qui étaient à l'arrière pour accomplir la prière. Alors, elle a écouté cet homme. Et elle est partie prier avec les femmes. Et à la fin de la prière, elle a attendu. فَكَانَتْ تَنْتَظِرُ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَعَلَّهَا تَرَى النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَتَتْ مِنْ أَجْلِ هَذَا. Alors qu'elle est venue pour cela. Donc elle a attendu après la prière. Et elle a attendu. Elle a attendu. Le temps est passé et il s'est avéré qu'elle a pu voir le prophète صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ. Quand elle l'a vu, il était assis de cette manière, alayhi salat wa salam, assis sur son derrière, avec les cuisses remontées, de sorte à ce qu'il soit presque collé à la poitrine, donc les tibias pliés, et il a entouré ses jambes avec ses deux mains, sallallahu alayhi wa sallam, en attrapant ses tibias avec ses mains, ce qu'on appelle en arabe, al-qurfusa. Elle nous dit, فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة. Donc comment cela a été Elle nous dit, lorsque je vis l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم dans cette attitude de recueillement, car le prophète عليه الصلاة والسلام كان جالسا متواضعا متخشعا لله عز وجل. Il était assis modestement, alayhi salatu wassalam. On voyait en lui une personne qui craignait Allah, une personne qui était pleine de vénération pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et de modestie. Alors, elle dit que quand elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis de cette manière, je me mis à trembler de peur. فَأُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ أي من الفزع شدة الخوف خافت منه. يعني الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يراه قد يكون خائفا منه. La personne qui n'a pas vu le prophète صلى الله عليه وسلم, des fois, la première fois qu'elle le voit, elle a une peur. Mais ce n'est pas la peur que l'on a pour la personne qui va nous agresser ou qui va nous faire du mal. C'est la personne que l'on a pour une personne, pour une envers. C'est la peur que l'on a envers une personne qui a une manière d'être telle qu'elle inspire un respect chez la personne qui la voit. Et ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est clair qu'une personne qui, par exemple, a l'habitude de plaisanter, comparée à une personne qui n'a pas l'habitude de plaisanter et qui a l'habitude d'être plus sérieuse et plus stricte ou ferme, il va avoir une différence chez la personne qui va se trouver avec une de ces deux personnes. Si tu es avec une personne qui a l'habitude de plaisanter, tu ne vas pas être comme avec la personne qui n'a pas l'habitude. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas quelqu'un qui ne plaisantait pas. Il plaisantait sans dépasser les limites, sans mentir, sans tricher, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il était quelqu'un de sérieux dans sa religion. Il était l'envoyé d'Allah. Imaginez-vous la personne qui voit un savant parmi les savants de l'islam. Imaginez-vous maintenant la personne qui voit le plus grand des savants de l'islam. Imaginez-vous maintenant la personne qui voit un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Imaginez-vous maintenant la personne qui voit un des meilleurs compagnons. Imaginez-vous alors la personne qui voit Abu Bakr, radiyallahu anhu. Imaginez-vous alors la personne qui voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est clair que sa réaction va être différente de la réaction qu'elle aurait si elle voyait quelqu'un d'autre, une personne normale. Donc, cette femme, quand elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été prise par la peur. Et elle nous dit, فَأُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ. Je me mis à trembler de peur. Mais vous voyez que dans la traduction, il s'arrête là. وَالْحَدِيثُ لَهُ قِصَّةً طَوِيلًا. Alors que le hadith a une histoire qui est plus longue. Un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam tout de suite après, فَقَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُرْعِدَتِ الْمِسْكِينَ. L'homme a dit, la pauvre femme s'est mise à trembler de peur. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, ya miskina, alayki sakina. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, oh toi la miskina, oh toi la pauvre femme, sois calme, calme-toi. La femme dit, faqalat, falamma qalaha, ou qalahu rasulullahi sallallahu alayhi salam, adhhab allahu anni, ma kana dakhala qalbi. Yani, adhhab allahu anha al-khawf, bihadhi al-kalima. Ya miskina alayki sakina. Cette femme nous dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé cette parole, ô toi la pauvre femme, sois calme, Allah a enlevé de mon cœur la peur qui s'était emparée de moi. Donc, voilà le résumé de l'histoire dans laquelle nous retenons la manière de s'asseoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith suivant, عن عباد ابن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. Voici une autre manière de s'asseoir ou de s'allonger du prophète عليه الصلاة والسلام. Celle-ci nous est rapportée par un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Zayd ibn Asim ibn Muhammad. Wa huwa sahabi alladhi qatala Musaylamah al-Kadhdhab. Donc cet homme, c'est la personne qui a tué Musaylamah al-Kadhdhab. Musaylamah al-Kadhdhab, c'est l'homme alladhi kana yad'i annahu nabi wa kana yaqtulu kull man yukhalifuhu wa la يؤمن به وهو كذاب. مسيلمة الكذاب, on l'a d'ailleurs appelé comme cela, الكذاب, le grand menteur. Pourquoi? Car il était une personne qui prétendait être prophète. Il disait aux gens qu'il est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il avait une armée derrière lui. C'était un gouverneur, il avait des armes et des moyens physiques et financiers. Il menaçait toute personne qui ne croyait pas en sa fausse prophétie de la tuer. Et il a tué des gens. Il a tué des gens, jazahallah ma yastahiq, qu'Allah lui donne ce qu'il mérite. Il a tué des gens parmi les sahaba ou les tabi'in. Al-Musaylama, il est parti voir un des compagnons et il lui a dit, ana indi surah. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran a surat al-fil, surat de l'éléphant. Lui, il est venu, il a dit, ana indi surat al-difta'a. Moi, j'ai la surat de la grenouille. Alors, il a commencé à réciter. Et il disait des paroles qui n'ont aucun sens. La grenouille, quand elle saute, elle rentre dans l'eau et ensuite elle sort. Et il récitait comme ça. Et il disait, c'est une surat qu'Allah m'a révélée. Puis il allait voir les gens et disait, j'ai une autre surat. j'ai la sourate de tel et tel animal. Et il a inventé des sourates qui n'avaient aucun sens. C'est l'histoire d'un animal qui rentre dans l'eau, qui saute, qui court vite. Et les gens qui l'entendaient rigolaient. Et une personne qui l'a entendu lui a dit, Wallahi, innaka ta'alamu ani a'alamu innaka kadhab. Je jure par Allah que tu sais très bien que je sais que tu es un menteur. On sait tous, toi-même, tu sais que tu es un menteur. Ala kulli hal, la personne qui a tué Musaylama, comme cela est dit, dit que quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était allongé sur le dos, le pied posé sur l'autre. كان عليه الصلاة والسلام مستلقيا في المسجد. مستلقيا أي على الظهر. Le prophète عليه الصلاة والسلام était allongé dans la mosquée sur son dos. عليه الصلاة والسلام. Et après cela, les gens nous disent qu'on n'a pas le droit de s'allonger sur son dos. Alors que le prophète, dans la mosquée. Alors que le prophète d'Allah, عليه الصلاة والسلام, était allongé sur son dos. Mais nous allons voir un petit détail plus loin. قَالَ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى. Il avait posé un de ses pieds sur l'autre. Sallallahu alayhi wa sallam. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَ sallallahu alayhi wa sallam كَانَ تَعْبَانَ وَكَانَ يَحْتَاجُ إِلَى رَاحَةٍ فَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ. Cela nous montre que le prophète était fatigué, ce qui l'a poussé à s'allonger de cette façon, en croisant les pieds l'un, lui en mettant l'un sur l'autre. Mais un hadith est rapporté par l'imam Tirmidhi lui-même. Rawa Tirmidhi rahimahullah fi sunani an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Selon Abu Sa'id qui nous dit, Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yada'a ar-rajulu ihda rijlayhi 'ala al-ukhra wa huwa mustalqin 'ala dhahrihi. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à un homme qu'il mette son pied sur l'autre allongé sur le dos. Cette façon de faire qui nous est citée ici dans un autre passage, on nous enseigne qu'elle est interdite. فكيف يكون الجمع بين الحديثين؟ الأول جاءت فيه هذه السورة والثاني نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنافي بينهما. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et les savants ont dit, العلماء حملوا حديث النهي على فيما إذا كان الإنسان لا يأمن من أن تنكشف عورته فحينئذ لا يجوز له أن يستلقي على الأرض ثم يضع رجلا على الرجل الأخرى. Les savants ont dit qu'en fait l'interdiction ici concerne la personne qui n'est pas en sécurité que sa nudité se dévoile. Comme la personne, par exemple, qui, en dessous de son qamis, ne porte rien comme vêtement qui couvre sa aura. Cette personne-là ne doit pas s'allonger de cette façon de peur que l'on voit sa nudité. Quant à la personne qui est sûre que sa nudité ne se dévoilera pas, alors cette personne-là a le droit de s'asseoir de cette façon. C'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est assis de cette manière sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit avec les pieds tendus ou bien avec les pieds repliés. Donc la personne est allongée sur le dos avec les pieds tendus en mettant un pied sur l'autre, ou bien elle est allongée sur le dos en mettant un pied sur l'autre mais les pieds repliés. Les pieds repliés. طيب. Le hadith suivant عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. Ce hadith est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه. Il nous dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait dans la mosquée, il se mettait dans la position où il ramenait les genoux vers la poitrine et enroulait alors les jambes avec ses bras. Sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle en arabe al-ihtiba, ça vient du mot hubwa. Ça vient du mot hubwa. Wal-hubwa huwa dhammu ba'd al-badan ila ba'dihi al-akhar. Al-hubwa, c'est le fait de rassembler une partie du corps à une autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'asseyait, parfois, il s'asseyait de cette manière. Et cela peut se faire de deux façons. إما أن يحتبي بيدي أو بقطعة من قماش. Que ce soit donc, il attrape ses deux genoux avec ses mains, ou bien il est assis et il fait passer, il entoure son corps avec un morceau de tissu, comme une ceinture. Pourquoi? Parce que il n'y a rien pour appuyer son dos. Et c'est pour ça que certains bédouins disent, ils disent que al-hubwa huwa hitan al-a'rab. La hubwa, c'est le mur des bédouins. Pourquoi? لأن الأعراب يسكنون ويعيشون في الصحراء. ليس عندهم جدار أو حائط يسندون ظهورهم عليها. فيجلسون على هذه الهيئة. Car les bédouins n'ont pas de mur, ils vivent dans le désert. Alors ce qui remplace le mur sur lequel ils aimeraient bien s'appuyer quand ils sont fatigués, c'est cette manière de s'asseoir, qu'on appelle al-ihtiba. C'est le fait d'entourer, de retenir ses jambes avec ses mains, ou bien avec un tissu. Et cela est fait dans beaucoup de pays. Et cette chose est faite parce que la personne est fatiguée en général. Et pour tenir, elle s'assoit comme cela. Elle s'assoit comme cela. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans de s'asseoir comme ça pendant la prière, pendant la khutbah de al-jumu'ah, la khutbah du vendredi. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحبوة وهو ما ذكرنا أثناء خطبة الإمام يوم الجمعة لأنها قد تؤدي إلى النوم فتضيع على هذا الإنسان فائدة الخطبة car elle peut pousser à s'endormir ou à somnoler, et en faisant ça la personne va être distraite et ne va pas tirer profit de la khutbah, du discours que prononce l'imam. Et malheureusement, dans beaucoup de mosquées, on voit des gens continuer à s'asseoir comme ça. Et permettez-moi de faire une parenthèse qui est très importante, qui concerne adab al-jumu'ah, le comportement que le musulman doit adopter pendant la prière du vendredi. Il y a beaucoup de mukhalafat, de contradictions religieuses que les gens font malheureusement. Parmi celles-ci, al-hubwa. Parmi celles-ci, al-hubwa. Le fait de s'asseoir comme cela pendant la prière du vendredi. Al-hubwa, c'est l'assise du frère, la Soufiane. Là, on parle de la prière du vendredi. Ou bien l'assise du frère qui est au fond. Ou l'assise du frère qui est à sa droite, qui porte les lunettes, mashallah. طيب. Voilà c'est quoi al-hubwa. Ça pendant khutbat al-imam yawm al-jumu'ah, il ne faut pas s'asseoir comme ça. Et les savants ont divergé. Est-ce que c'est interdit ou est-ce que c'est permis alors que le prophète alayhi salam l'a interdit dans un hadith. Et on va rentrer dans cette question inchallah après. Mais on voit beaucoup de gens s'asseoir comme ça. Et beaucoup de dorment pendant la khutbat al-imam. Et ça, c'est grave. Deuxièmement, on voit des gens qui parlent entre eux et qui discutent entre eux pendant la prière du vendredi. On est samedi, hier on était vendredi. Et j'ai assisté à la prière de l'imam ici dans cette mosquée. Et j'ai vu des gens et plusieurs personnes discuter pendant que l'imam prononce le discours qui peut-être s'est fatigué à préparer et à le donner de la meilleure manière pour qu'après les gens ne trouvent pas un autre moment pour discuter que le moment dans lequel l'imam prêche, dans lequel l'imam cite les hadiths, cite les versets. Et on voit malheureusement les gens qui discutent et qui ne prêtent pas attention au discours de l'imam. On voit troisièmement des gens qui entrent dans la mosquée le jour du vendredi en laissant apparaître la nudité al-awra. Devant moi hier, il y avait un homme qui était assis avec un pull, un vêtement qui était tellement court qu'on se demandait est-ce que ce vêtement est un vêtement d'homme ou un vêtement d'enfant. Subhanallah. Comment tu peux venir à la prière du vendredi pour écouter l'imam, pour écouter le Coran et la Sunna avec une telle tenue vestimentaire? Quand tu fais sujoud, awratuka zahira bayyina, ala tastahi min Allah. Quand tu te prosternes pour demander à Allah le pardon pour tes péchés, nous voyons toute ta nudité. Nous voyons la nudité qui apparaît de toi. N'as-tu pas de la pudeur, ne serait-ce qu'envers Allah subhanahu wa ta'ala, si tu n'en as pas envers les gens qui sont assis derrière toi, les gens qui discutent, les gens qui font tout un tas de choses qui sont interdites par Allah azza wa jal et qui sont un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala avant tout, puis envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis envers l'imam, puis envers les fidèles qui sont avec cette personne qui a un tel comportement. فَلْنَتَّقِلَّهَ جَلَّ وَعَلَى فِي أَدَابَ الْجُمُعَةِ. Craignons donc Allah Azza wa Jal dans notre comportement durant la prière et le discours du vendredi. الْعَوْرَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَتَيْهِ. الحبوة الحبوة انظر وراءك انظر الأخ وراءك هذا حبوة أيوة أيوة هذا احتباء هذا هو. Donc l'assise que nous voyons de ce frère, c'est cette assise là qu'on ne doit pas avoir pendant la prière du vendredi. Et les savants ont divergé, est-ce qu'en fait on peut la faire vraiment ou bien elle est tout le temps interdite? Pourquoi ils ont divergé? Car d'un côté, le prophète والسلام, nous interdit cette assise, et de l'autre côté, des sahaba radiallahu anhum se sont assis comme cela pendant la prière du vendredi. Comment alors concilier le hadith et l'acte des compagnons? Et les savants ont dit, certains savants ont dit que en fait, cette assise est interdite dans le cas où la personne est prise par la somnolence ou est fatiguée. Tandis que la personne qui n'a pas du tout envie de dormir et qui n'est pas du tout prise par la fatigue, elle peut s'asseoir comme cela. C'est pourquoi les sahaba radiallahu anhum l'ont fait. Mais ce qu'on retient, c'est le adab, le comportement qu'on doit avoir pendant la prière du vendredi. Allahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Le chapitre suivant, باب ما جاء في تكاءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التكاء اسم لما يتكي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. Le chapitre suivant va concerner, ici on nous dit, la façon de s'accouder. Et le mot qui est employé ici, en arabe, tuka'a, désigne ce sur quoi on s'appuie, ce sur quoi on s'accoude. Min wisada aw ghayriha. Que ce soit un coussin ou autre chose sur laquelle on s'accoude. Le premier hadith, an Jabir ibn Samura, radiyallahu anhu, قال, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم muttaki'an 'ala wisadatin 'ala yasarihi. Il nous dit, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'accouder sur un coussin à sa gauche. فنستفيد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ وكان يتكئ على وسادة وكان يتكئ على يساره عليه الصلاة والسلام. Nous tirons de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'accoudait et qu'il s'accoudait sur un coussin et qu'il s'accoudait sur son côté gauche sallallahu alayhi wa sallam. هذا لا بأس به. Mais il y a une manière de s'asseoir qui est interdite. هناك هيئة منهي عنها وهي الجلسة التي صاحبها يضع يده اليسرى وراء ظهره يتكئ عليها. هذه منهي عنها. Il y a une manière de s'asseoir qui est interdite, qui est de se poser, de s'asseoir au sol en s'appuyant sur la paume de la main gauche que l'on pose derrière le dos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un de ses compagnons s'asseoir comme cela. Il était assis et il avait appuyé sa main gauche derrière son dos. Quand il a vu ça, il lui a dit « Ataq'udu qi'adat al-mardoubi alayhim, t'assois-tu comme la manière de s'asseoir de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala, wa hum al-yahoud, qui sont les juifs. » C'était une manière de s'asseoir dans une de leurs pratiques. Et quand ils voyaient un de leurs maîtres ou de leurs chefs, et le prophète, alayhi salam, nous a interdit de s'asseoir comme cela. Al-Allama, Al-Uthaymin, rahimahullah, le Cheikh Al-Uthaymin a dit, si tu t'assois sur tes deux mains, إِذَا كَانَ الْإِنسَانِ يَتَّكِئُ عَلَى يَدَيْهِ وَرَأَ ظَهْرِهِ لَا بَأْسَ بِهِ ثم إذا اتكأ على يده اليمنى لا بأس بذلك أما اليسرى فلا. Si tu t'assois en t'appuyant sur tes deux mains derrière ton dos, il n'y a pas de mal à le faire. Sur ta main droite, il n'y a pas de mal non plus à le faire. Par contre, sur la main gauche, cela est interdit, car elle ressemble à l'assise de ceux qui ont couru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam s'accoudait sur son côté gauche sur un coussin alayhi salatu wassalam. الحديث suivant عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. Ce hadith qui est rapporté par Tirmidhi, il est aussi rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم a cité à ses compagnons quelques péchés parmi les péchés majeurs, capitaux, destructeurs, quelques péchés parmi les pires des péchés. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, « Ala uhadithukum bi akbar al kaba'ir » Donc, « Ala kulli hal » Ne vais-je pas vous informer concernant les plus grands des péchés majeurs ?« Al kaba'ir » الكبائر هي الذنوب الكبيرة التي يترتب عليها وعيد من الله عز وجل أو رسوله عليه الصلاة والسلام كدخول النار أو لا مثلا لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه أو ليس منا من فعل كذا من فعل كذا أو لا يؤمن أحدكم إلى والله ليس بمؤمن إلى آخرها. كل الأحاديث التي جاءت فيها وعيد فيما يتعلق بإثم فهذا الإثم كبيرة. Un péché majeur. Qu'est-ce qu'un péché majeur? Les péchés dans leur gravité se divisent en deux, majeurs et mineurs. Les péchés majeurs sont les péchés qui ont été cités est donc interdit par les textes du Coran et la Sunna, accompagné d'une menace. Par exemple, celui qui dit telle ou telle parole et fait tel et tel acte, Allah ne le regarde pas, Allah ne lui adresse pas la parole, Allah ne le purifiera pas. Celui qui fait telle chose entrera en enfer, celui qui fait telle chose et qui dit telle chose ne sentira pas l'odeur du paradis. Celui qui dit telle chose, Allah et ses anges et les gens le maudiront. À chaque fois qu'on voit une menace dans un péché qui est interdit dans un hadith, cette menace nous indique que le péché interdit ici est un péché majeur. C'est comme ça que l'on reconnaît un péché majeur et qu'on l'on distingue d'un péché mineur. Deuxièmement, la différence entre le péché majeur et le mineur, الفرق بين الكبيرة والصغيرة أن الكبيرة لا بد لصاحبها أن يتوب إلى الله عز وجل. C'est que le péché majeur, pour le faire expier, pour l'effacer, il faut absolument que le pécheur qui l'a commis se repente à Allah Azza wa Jal, se demande le pardon d'Allah et arrête de le faire et le regrette. Alors que le péché mineur, as-saghira, tukaffiruha al-a'mal as-saliha, kas-salawat al-khams, wa ramadan ila ramadan, wa al-jumu'a ila jumu'a, alors que les péchés mineurs sont expiés, pardonnés, effacés par les actions que la personne fait, comme les cinq prières, comme la prière du vendredi jusqu'à un autre, jusqu'à une autre, la prochaine, comme le ramadan jusqu'au ramadan prochain. Voilà la différence entre les péchés majeurs et mineurs. Ces péchés majeurs, eux-mêmes, ont des péchés, ou plutôt sont différents dans leur gravité. Certains sont les plus grands des péchés majeurs. Et le prophète, alayhi salam, a dit, « Ala uhaddithukum bi akbar al-kaba'ir » Ne voulez-vous pas que je vous parle ou vous informe au sujet des plus grands des péchés majeurs? Qalu bala ya Rasulallah. Les sahaba ont dit, oh si, si au messager d'Allah. Et dans cette manière de faire, il y a une façon d'attirer l'attention de celui à qui on s'adresse quand on veut le conseiller ou bien quand on veut lui enseigner une chose. On lui pose une question, on le laisse avoir envie de connaître la réponse. Le prophète a dit, voulez-vous connaître les grands péchés, les péchés majeurs? Les compagnons ont dit, si, nous voulons les connaître au messager d'Allah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. Premièrement, l'association à Allah, Azza wa Jal. L'association à Allah, tabaraka wa ta'ala, est le pire des péchés. الإشراك بالله لا ذنب بعده ولا إثم أعظم منه. Il n'y a pas de péché plus grand que celui-ci. Allah dit, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Certes, l'association est une injustice immense. Et Allah dit, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. Certes, Allah ne lui pardonne pas, ne pardonne pas qu'on lui accorde des associés. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Et à part cela, il pardonne à qui il veut. L'association est le péché au sujet duquel Allah Azza wa Jal, ou pour lequel Allah Azza wa Jal a envoyé tous les messagers et a révélé tous les livres. L'association Allah Azza wa Jal a été combattue par tout croyant et toute croyante. C'est la pire des choses. Mais cela est connu de vous, alillahi alhamd. C'est le pire des péchés. Que ce soit dans Rububiyya, la seigneurie, comme celui qui croit qu'autre qu'Allah peut donner la guérison, la subsistance, qu'autre qu'Allah Azza wa Jal est capable de créer, ou bien dans l'uluhiyya, dans le culte, dans la divine, dans l'adoration, comme celui qui invoque autre qu'Allah, ou qui sacrifie pour autre qu'Allah, celui qui jure par autre qu'Allah, celui qui porte une tamima, le gris-gris, ou bien ça peut être aussi dans les noms et les attributs, comme celui qui associe Allah et qui croit qu'autre qu'Allah a les mêmes caractéristiques qu'Allah Azza wa Jal, et bien d'autres choses encore. وعقوق الوالدين, c'est la désobéissance aux parents, et c'est de manière plus globale le mal envers les parents. Tout mal qui est fait à l'encontre des parents, كل شر يفعل للوالدين يسمى عقوقا لأن العقوق معناه القطع. العقوق, c'est le fait de couper, c'est-à-dire que c'est un mal qui est fait à l'encontre des parents avec lequel le lien va être coupé. Le lien va être coupé. Et enfin, nous voyons que Allah, le prophète alayhi salatu wasalam, a cité le mal envers les parents tout de suite après l'association à Allah Azza wa Jal. Fa dhakara haqq Allah Azza wa Jal thumma haqq al-walidain. Car le droit des parents est un immense droit. Allah Azza wa Jal a dit wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidain ihsan. Et ton Seigneur a décrété, et votre Seigneur a décrété, n'adorez pas autre qu'Allah, et de la bonté envers les parents. La bonté envers les parents a été citée tout de suite après le droit d'Allah, Azza wa Jal, et cela n'est pas par hasard, c'est pour nous montrer la grandeur de cette chose. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. Donc il a commencé à énumérer les pires péchés, en commençant par l'association, puis la désobéissance aux parents, puis, alors qu'il était assis, alayhi salatu wasalam, il a changé de position pour s'accouder. Pardon. Alors qu'il était accoudé, alayhi salatu wasalam, il a changé de position pour s'asseoir. Comme si que la chose qu'il allait dire allait être tellement importante qu'il fallait même avec les gestes montrer aux compagnons la gravité du péché qui va être cité ici. Il s'est assis et il a dit, wa shahadatu zur aw qawl zur. Le faux témoignage ou la fausse parole. Il n'a cessé de répéter cela. كان يردد ويقول شهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور. Il n'a cessé de répéter le faux témoignage, le mensonge, le faux témoignage, la fausse parole, le faux témoignage, à un point où les compagnons ont dit يا ليته سكت. Si seulement il se taisait, de peur qu'il ne se fasse du mal à lui-même en levant la voix comme il le faisait, sans se reposer. Et dans cela, qu'est-ce qu'on voit? On voit la gravité du faux témoignage, le mensonge dans les informations. Une personne qui vient attester pour une autre personne d'une chose qui est mensongère et qui est fausse. Ceci afin d'avoir un intérêt, que ce soit mondain ou autre, afin de gagner une chose qu'elle n'aurait pas pu avoir sans cette manière d'agir. Le faux témoignage, le fait que ce soit à travers la parole ou à travers l'écrit, en disant j'atteste de telle et telle chose alors que cette chose est fausse, eh bien tout cela est la cause de la propagation de grands maux et troubles dans la communauté. Combien sont ceux qui, à cause des faux témoignages, se sont entretués, se sont quittés, séparés, ont divorcé, ont rompu les liens de parenté, se sont égarés, ont commis beaucoup de maux, beaucoup de troubles à cause du faux témoignage. Quand une personne veut acquérir un bien mondain, elle fait appel à une autre qui se fait passer pour un témoin et témoigne que cette personne a bien été là tel et tel jour et a bien dit telle parole tel et tel jour alors que ce témoignage est faux. Voilà de quoi nous parle le prophète alayhi salatu wassalam. Et retenez ici que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du faux témoignage, il était accoudé alors qu'il parlait du shirk billah, de l'association à Allah. Il était encore accoudé quand il parlait de la désobéissance aux parents. Et quand il est arrivé à parler du faux témoignage, il s'est levé pour se mettre en position assise afin que les compagnons le regarde avec un cœur qui écoute. Et il a répété plusieurs fois le faux témoignage, le faux témoignage, le faux témoignage. C'est comme si qu'il faisait allusion au fait que ce péché va se répandre dans sa communauté, et certes, il s'est répandu dans sa communauté. Wallahu al-musta'an. Et on retient aussi de ce hadith que le prophète alayhi salatu wasalam était accoudé. On retient de ce hadith qu'il n'y a pas de mal des fois à être accoudé quand on enseigne aux gens un bien. Car le prophète ici, alayhi salatu wassalam, enseignait aux sahaba radiyallahu anhum des choses qui sont les pires des péchés alors qu'il était accoudé. Donc des fois il n'y a pas de mal à enseigner pendant que la personne est accoudée, comme le prophète alayhi salatu wassalam ici l'a fait. Nous allons terminer le dernier hadith. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. Dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم dit quant à moi, je ne mange pas tout en étant accoudé. Ici, on apprend un adab min adab al-ta'am, al-akl, un des comportements à avoir pendant la prise du repas, pendant le fait de manger, qu'il ne faut pas manger en étant accoudé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a les meilleurs comportements, les plus nobles caractères. Il ne fait donc pas partie de son comportement de manger en étant accoudé, alayhi salatu wa salam, pour plusieurs raisons. Parce que la personne qui mange en étant accoudée, va peut-être manger beaucoup plus que si elle n'est pas accoudée. Donc, elle va remplir son ventre plus que ce qui est bon pour le ventre. Et peut-être que ça va lui causer du tort plus tard, à force de manger beaucoup. Que ce soit en prenant du poids, ou bien en tombant malade, à cause des maladies qui font suite à la graisse et au cholestérol, etc. Donc pour ces raisons, le prophète alayhi salam ne mange pas en étant accoudé. Deuxièmement, car cela ressemble à la manière de faire des gens qui se vantent et qui s'enflent d'orgueil, qui mangent en étant accoudés, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un train de vie modeste. Il sait qu'il était une personne humble et qui était servante d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, il ne convient pas à une telle personne de manger accoudé. Voilà pourquoi le prophète alayhi wa sallam a dit, quant à moi, je ne mange pas accoudé. C'est le dernier hadith du chapitre concernant ce sur quoi s'appuyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu le chapitre concernant l'assise et sa manière de s'asseoir, alayhi salatu wa salam. Puis nous avons vu le vêtement qu'il portait sur sa tête après avoir passé de la pommade ou de l'huile. Nous avons vu la manière de s'asseoir et enfin ce sur quoi s'appuyait le prophète alayhi salatu wa salam. Nous arrêtons là et le prochain cours, inshallah, c'est demain après l'asr. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.